tiendra le cap. Dis-moi qui t'en vous tiendra le cap. La fleur de lys sur le travaux, on colonise tout même le rap. Dis-moi qui t'en vous tiendra le cap. On vient pour tous vous mettre à sac. La fleur de lys sur le travaux, on colonise tout même le rap. Puisse l'essieu hardir, on s'arrachera la victoire. Et puisque c'est le grand pari, on rasera la capitale. Nigo, si les cheveux comme trahissent, je leur ferai bouffer leur guitare. Mais vise-moi ces fauves t'envahir, rafale dans les amygdales. Parce qu'on a grandi dans la discipline, pas comme eux. Parce qu'ils tiennent pour victimes alors qu'en fait ils t'agressent. Ta colère. Crois pas que c'est une guerre raciale plus qu'idéologique, connard. Un champ de mine antipersonnel, voilà ce qu'on décelé nos sonars. Je suis royaliste, pas nazi. Nazi? T'arrêtes pas de le dire, donc t'étonnes pas si les miens pètent des caps finissent par devenir. Parce que dans l'Océania, j'admettrai toute forme de résistance contre le parti, l'antifa, le coco et autres pédés qui dansent. Appelle à tous les bounty, rejoignez-nous quand c'est vermine. Faut qu'on les termine avant qu'ils supplantent à la mémoire de Céline. MZ42, comment 40 je tape? 92 au 49-3. MG42, comment 40 je tape. Je préfère le 7-92 au 49-3. Le premier réflexe est de penser Blitzkrieg. Plutôt que printemps, je serai là pour la pousser. Quand la démocratie aura fini de creuser sa tombe, sang et honneur. C'est pas l'orcade ou ma colère, Zigrunnen sur l'encolure. La juiverie, je viens pour l'abolir. Comme Freddie Mercury, je me dis show, I must go on. La colonisation, c'était génial. Crois pas le téléphone, un rap. Des fois en Europe, Ariane et la force de frappe. Je veux voir des milliers de petits Alan Kurdi sur les bords de l'Euphrate. 50 piges, c'est l'espérance de vie pour un sida. Et tout le fait qu'ils cherchent tout ça, choper le VIH en Afrique. Pour mon prochain déguisement d'Halloween, j'hésite encore entre une blackface, un costume de Klansman ou d'Adolf Hitler. Esclavage pour les négros, je suis Libye, bravo les mecs. Au moins là-bas, ils savent les tenir, pas comme cette fiotte de Domenech. Mahomet, ton musulmère, tu des hauts pédophiles. Isabelle la catholique. Par les putes à juifs. Mahomet en musulmère, judéo, pédophile. Je crois que je préfère me réconcilier avec Anders Breivik. Ouais mais à ce qui paraît ça serait une PAJ. C'est vrai mais fumé 80 socialistes, putain quel biais. Isabelle la catholique, le nom maudit par les putes à juifs. Pour questionner cette race on a plus de 36 000 motifs. Rouelle à la Saint-Louis que les nazis bien pleurent corps. On écartèle tous les rebelles, on s'inspire de Simon de Montfort. Ria comme chez les Qatars, on les transforme vite en tartare. Nous sommes tous les enfants des invasions barbares. Des sales fils des francs, pour ça qu'on est noblesse bastard. Dans la fourmilière parce qu'elle est remplie de cafards. C'est pas vraiment une fierté mais ça lui a brûlé des juifs. Si Forisson avait raison c'est bien qu'Hitler était trop tendre. Si tu me vois vendre un falafel c'est Christian Fritré à Auschwitz. C'est pas de ma faute si l'hérétique finit toujours en tas de cendres. Putain j'arrive pas à le croire. C'est quoi cette saloperie? Cet antisémitisme puant. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler mes potes à la LDJ et ils vont s'en occuper. On verra bien si rigole. Allez, toujours. Allez détends-toi.